Moi, je dis Albert Londres à ma table, ça déconne pas ce soir, Charline. Mais oui, on a Philippe Pujol est avec nous. Prix Albert Londres. Il existe le prix du journalisme de Flash. Je ne sais pas. Laetitia Gaillet. On devrait peut-être le. Ou le prix du passage d'antenne à la radio. Avis, c'est plutôt là. C'est un gros travail. Dans les deux, je pense que vous êtes en bonne place. Ça sera le prix Laetitia Gaillet, d'ailleurs, il s'appellera comme Bien sûr. Évidemment. Mais bonne idée. Je vous aime tellement. Bravo, vous êtes formidable. Tellement gentil avec moi. Je vous laisse. Merci Laetitia Gaillet. On vous retrouvera demain dès 10h pour les premiers flashs. Allez, écoutez comment nous avons préparé cette émission. Donc ça bosse, hein. Je sais pas pourquoi. Déjà parce qu'on bosse tous les jours surtout parce qu'on reçoit un prix Albert Londres. Ah, il est anglais. Mais non, le prix Albert Londres, c'est le prix le plus prestigieux pour un journaliste français. Et Patrick Cohen, il l'a eu ? Pas encore. Il s'en fout, Cohen. Bah, tu crois ? Bah oui, ce qu'il aimerait, c'est qu'il existe un prix Patrick Cohen. Ah, évidemment. Il est où, Guillaume ? Ah, bah oui, il est où d'ailleurs ? Alors, il fait un salon. Attendez, je vérifie. Comme d'habitude. Ah, bah voilà, salon de l'érotisme. Mais c'est pas vrai, ça. Du coup, c'est plutôt intéressant parce que. Ça t'intéresse ? Ah, oui, c'est un vrai sujet de société, là. Un petit peu léger, quand même. Alors, il va pas avoir le prix Albert Londres pour ça. Mais heureusement. Résultat, on a une émission avec une pointure du journalisme et un reportage sur quoi ? Sur le salon de l'érotisme. Oui, c'est ça. On aurait dû faire l'émission direct de là-bas. Mais de où, du salon de l'érotisme. Non, mais ça va pas. Vendredi, on va au salon du livre. On y va chaque année, on pourrait varier. C'est non. Et voilà, au boulot. Avec Guillaume qui aura vu des nichons, quoi. Et des Chip and Dale. Et les petits canards qui vibrent aussi. Comment tu sais ça, toi ? Mais il y en a pour tous les goûts, là-bas. Non, mais les filles, mais qu'est-ce qui vous prend aussi, là ? C'est un vrai sujet. Mais oui, un vrai sujet de société. Mais oui, mais pourquoi est-ce que je travaille avec vous ? Ah non, la question, c'est pourquoi nous, on travaille avec toi ? Ça, on le demande, oui. Peut-être pour ça que ça marche. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité dans les orties et voici les trois informations qui vont un petit peu piquer jusqu'à 18h. On avance, puisque la loi travail recule. On avance, puisque Manuel Valls parle avec les partenaires sociaux, il est même arrivé à s'entendre avec certains. Comment ? Mystère. Nous ne sommes pas des amateurs, monsieur le ministre, 10%. C'est 10%. Vivons-nous le crépuscule de l'intellectuel français ? Les plus connus ont pété un boulard en intégrant le système médiatique, donc lançons un appel d'offres. Je veux bien jouer les intellos une heure ou deux, mais... sur la durée, il y a un moment, le veau va reprendre le truc. Où sont passés Jojo la mandoline, Francis le belge ou Pierrot les grandes feuilles ? Ils sont partis les pieds devant, bien sûr, mais pour la semaine de la langue française, on a trouvé les nouveaux surnoms des voyous modernes. Et c'est pas brillant. Quand je te présenterai à quelqu'un, je dirai, c'est un ami à moi. Ça voudra dire que t'es dans le circuit. Et moi, je t'appelle comment ? Un ami à nous ? Non, toi, tu fermes ta gueule, tu m'appelles pas, tu viens. Et je suis accompagnée de celui qu'on surnomme le Casanova des Sexas, dit Casamaminova, Alex Vizorek. Bonjour, Charline Bonnet-Lacquerre. J'aime bien Casamaminova, je prends. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une belle équipe, pas besoin de surnoms parce qu'on les entend arriver à 17h20. Il est toujours sur la balle. Enfin, sur la balle, l'expression au second degré, parce que sur le terrain, il en touche pas une. Enfin, il en touche pas une, l'expression, mais au premier degré, parce qu'en boîte de nuit, ce serait même plutôt le contraire. C'est gentil. Bonjour Samir Bouhadi. Salut Alex, salut Charline. Écoutez les amis, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de Marseille, parce que notre invité connaît un peu la ville, de Chris Waddle, de Papin et d'un certain Bernard Tapie. Nostalgie. Je vous en parlerai, on sait pas qui c'est. Voilà. 17h30, le végétarien de l'équipe. Et pourtant, quand il pose des questions à ses interlocuteurs, on a parfois l'impression qu'il a mangé de la vache enragée. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi, évidemment, je me suis rendu, on l'a dit, au salon de l'érotisme et j'ai rencontré des gens. J'ai perdu 3 000 euros dans la nuit et j'ai paniqué. Voilà, des joueurs un petit peu déçus. Et à 17h40, félicitations Thomas VDB, il est papa. Le premier bébé annule tout. On est très contents. Oui, c'est le premier, on est très contents. Et donc dans 30 minutes, vous saurez ce que c'est. Un jingle, mais influencé par la paternité. Absolument. De quoi on va parler ? Eh bien, comme vous savez, je suis du nord de la France. Oui. Je suis donc des Hauts-de-France. Oui. On va parler des Hauts-de-France. Oh, c'est chic. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous Giscard. Vous entrez comme journaliste stagiaire à la Marseillaise en 2003, quand Jean-Pierre Pernaut est couronné par un 7 d'or. Vous recevez le prix Varenne pour votre série French Disconnection, publiée toujours dans la Marseillaise en 2012, quand Matt Pokora est couronné d'un Energy Music Award. Et vous recevez le prix Albert Londres pour votre série d'articles Quartier Chic en 2014, quand Nabila est mise en garde à vue. Et vous, je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes Philippe Pujol. Ah mais oui, c'est parti. C'est parti, Philippe. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Qu'est-ce qui se passe avec Nabila, Philippe Pujol ? L'année où j'ai eu le prix Albert Londres, et juste avant qu'elle aille en prison, il y avait le mondial à pétanque, la Marseillaise, et comme j'ai eu le prix Albert Londres, j'ai fait le mondial des stars. Je me suis retrouvé parmi les stars. Vous avez joué au boule avec Nabila. Et j'ai donc joué au boule avec Nabila. Et donc, on peut faire cette phrase. Je peux faire cette phrase. Ce qui est quand même pas donné à tout, enfin, j'allais dire, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pas à toute la population. Félicitations pour le prix et pour les boules. Voilà. Donc, il cravache pour ce matin parce qu'on reçoit un prix Albert Londres quand même. On commence avec les boules de Nabila. On est dans le thème, c'est bon. Alors, Philippe Pujol, votre ouvrage La fabrique du monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, parmi les plus inégalitaires de France, paru aux éditions Les Arènes. On a déjà envie de vous dire bravo parce que quel magnifique bouquin, quelle claque, quelle leçon de journalisme. On a dû déjà vous le dire 50 000 fois, mais je ne peux que le recommander chaudement. Pas que de journalisme, aux éditeurs. Pas que de journalisme. Oui, de littérature aussi. Alors, vous êtes diplômé, vous, en biologie. Oui. Des écosystèmes. Biologie des populations et des écosystèmes, mention éthologie. Voilà. Et ce qui explique une partie de votre vision, de votre méthode journalistique. Méthode sur deux aspects. D'ailleurs, il y a ce côté-là très scientifique. Et puis, il y a cette plume de romancier qui est formidable et que vous avez travaillé. Que j'ai travaillé à la Marseillaise complètement. Dès 2003, quand je faisais des brèves de faits divers, je voulais les écrire de manière différente de la Provence, qui faisait ça très bien, mais il fallait que je me démarque. Et je suis tombé sur un auteur, Félix Fénéon, qui est un auteur trop méconnu, qui faisait, donc un auteur du 19e siècle, qui notamment a fait connaître Arthur Rimbaud. Donc c'est pas rien, c'est un critique d'art, qui anarchiste. Rimbaud. Et, on n'est pas sur France Culture, donc attention au niveau des précisions quand même. Et moi j'adore Félix Fénéon par contre, en tout cas je suis fan de son nom, hein. Je ne connaissais pas mais on l'embrasse, il nous écoute. C'est Fénéon et je ne sais pas s'il nous écoute, en tout cas il faisait des brèves très marrantes et sur des faits divers et donc je me suis mis à essayer d'écrire à la Fénéon et petit à petit ça m'a donné un style un peu... un peu de rappeur, on dit. Parfois lapidaire, par exemple, quand vous dites « longtemps Moussa a rêvé d'avoir du pognon, maintenant il veut juste de la semoule ». C'est lapidaire, mais ça dit tout. Alors, il y a trois mondes qui se côtoient dans l'ouvrage, évidemment, dans vos 10 ans d'immersion. C'est forcément les voyous, il y a les militants associatifs, les politiques. Trois comme écosystèmes qui se croisent. Trois mondes de réseau, en fait. Ouais. Ça et donc, comme ça. Les réseaux, à un moment, s'entrecroisent. Et il y a forcément la nécessité d'un des réseaux d'avoir des contacts avec l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une forte corruption nécessaire entre la politique et les réseaux de stup ou avec l'associatif, mais tout le monde va avoir besoin de l'autre à un moment donné et tout le monde va exploiter l'autre. Et c'est en ça qu'on est dans des écosystèmes qui vont sélectionner des individus, qui vont sélectionner des gens de l'associatif qui vont accepter le système clientéliste, qui vont sélectionner des élus qui ne peuvent être élus que en étant clientélistes. Ceux qui le refusent ne sont pas élus, donc sont sortis du système. Et de la même manière, ça va sélectionner des gens vulnérables qui vont être attrapés par les réseaux de stupéfiants, qui vont devenir petits guetteurs et qui vont devenir ce que j'appelle les mains noires, c'est-à-dire les petites mains, les tocards des réseaux finalement. Et ceux des gros réseaux sont ailleurs, évidemment. Alors là, on a une vue d'ensemble, parce que vous parvenez à expliquer tous les paramètres qui font que la situation est telle qu'elle depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui. Et puis aussi le regard micro, c'est-à-dire votre immersion pendant des années a fait que vous êtes allé dans des endroits où on ne va jamais. Et puis vous expliquez, certains fument de l'huile de vidange dans une cave, d'autres poussent de la fonte sous stéroïdes dans un squat au sommet d'une tour. Et c'est là qu'elle a claque aussi, c'est qu'on est en France et pourtant on pourrait se croire à la frontière mexicaine, comme dans La griffe du chien, le fameux polar. Complètement, sur la drogue, que j'ai cartels. Lu avant. Ouais. Là, en fait, on est dans la cité Calistée, cité la plus pauvre d'Europe. Et certes, c'est petit, mais c'est extrêmement pauvre. C'est assez incroyable de s'y promener. C'est assez accessible pour les journalistes. Je ne sais pas pourquoi il y en a si peu qui y vont. Il y en a d'autres. Hein. Le journalisme de proximité se meurt. Non, il y a quand même beaucoup de gens qui font du bon boulot. C'est plutôt les médias qui ne veulent pas de leur travail. C'est plutôt dans ce sens-là. Tu as peur d'avoir des problèmes en allant là-bas ou... Non, au Calistée, il n'y a pas de problème. Il y a quelques précautions à prendre, mais n'importe quel journaliste un peu précautionneux va y arriver. Ouais. Ça veut dire que c'est pas vendeur pour ceux qui dirigent les rédactions, Je ne sais pas s'ils sont intéressés par ça. Moi, j'ai la théorie du

pas par espoir. Leur espoir est en berne. Devant l'école, elles trouvent bien quelques réconforts dans les commérages, les mêmes que devant toutes les écoles du monde, de ces bavardages qui rassurent, car c'est toujours pire ailleurs. Et puis ça structure les commérages, bien plus que l'intelligence ou la solidarité, qui ne sont qu'incantations. Qu'en dira-t-on et médisance fixe les limites du sens moral. C'est Philippe Pujol dans La fabrique du monstre, paru aux éditions Les Arènes. Philippe Pujol est avec nous jusqu'à 18h, prix Albert Londres 2014. Licencié économique de la Marseillaise qui a déposé le bilan, on va en parler tout à l'heure en parlant de la loi El Khomri, Philippe Pujol, et autour de cette table, Alex. Eh bien, Thomas Vélébé, Samir Boyer, Guillaume Meurice qui a été au salon de l'érotisme et oui, est resté c'est un métier du long. Philippe Pujol, vous nous parliez du journalisme livreur de pizza, on vous propose un peu de journalisme moule frite. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Les titres. Manuel Valls a estimé hier que les conditions d'un retour de Karim Benzema en équipe de France n'étaient pas réunies. Voilà, on attend d'une minute à l'autre les propositions de Didier Deschamps sur la loi travail. Hier soir, une réunion publique sur le projet de centre d'hébergement d'urgence à Paris, dans le 16e arrondissement, a dû être annulée à cause des insultes des opposants. Vous voyez, même pas mis en œuvre, le projet génère déjà de la délinquance et il y aura des brèves. Manuel Valls a donc déclaré qu'il n'était pas pour un retour de Karim Benzema. Karim Benzema qui a répliqué immédiatement sur son compte Twitter, je cite, « Certains parlent de mon exemplarité, 12 saisons que je suis professionnel, 541 matchs joués, 0 carton rouge, seulement 11 cartons jaunes. » Oui mais Karim, mais c'est pas ça l'exemplarité. Hein. Sache que sur toute sa carrière, le prince héritier saoudien, il n'a pris aucune carte jaune. Ça c'est l'exemplarité, d'où Légion d'honneur évidemment. Manuel Valls toujours, qui demande cette fois au cardinal Barbarin de prendre ses responsabilités. Quant aux affaires de pédophilie, il est soupçonné de s'en être rendu complice. Voilà, donc Manuel Valls estime que les conditions d'un retour du cardinal Barbarin en équipe de France ne sont pas encore réunies. Passons à droite avec la primaire. Brice Hortefeux déclare « La primaire n'est pas une cour de maternelle ». C'est vrai, les candidats à la primaire, quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs, ça pose des problèmes. Venons-en au 16e arrondissement de Paris. Et oui, la réunion publique organisée hier soir au sujet du centre d'hébergement de sans-abri au Bois de Boulogne a été houleuse. La mairie de Paris a pourtant précisé que le projet concerne les SDF et non pas des réfugiés. Oui, alors les opposants au projet évoquant la proximité des migrants avec la piscine municipale d'Auteuil expliquant que des parents ont peur. Mais peur de quoi, puisqu'on vous dit que les migrants ne savent pas nager. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Alors, rappelons qu'il y a encore quelques mois, les habitants des beaux quartiers regrettaient qu'on s'occupe des migrants plutôt que des SDF, qui eux sont pour la plupart bien français. C'était monsieur. Donc l'édito voilà. De Charline Vanhoenacker. Voilà, de rien. Région à présent, pour limiter les émissions de microparticules, les Bretons sont invités à lever le pied pendant 3 jours. Mais oui, mais que les Bretons se rassurent, ils peuvent continuer à lever le coude également. Passons à ce projet à Calais. Oui, alors effectivement, figurez-vous qu'hier, la maire de Calais, Nathalie Chacha Bouchard a indiqué qu'un parc d'attractions devrait ouvrir ses portes au printemps 2019 avec un investissement de 275 millions d'euros. Ça, c'est une info du Graphi, vous êtes gouré. Eh ben, pas du tout. Ça devrait s'appeler Heroic Land. Alors voilà, j'ai déjà la pub. Bienvenue à Calais, bienvenue à Heroic Land, un monde merveilleux rempli de sensations fortes. Allez vous faire des frayeurs dans la rivière sauvage, attention ne coulez pas. Allez trembler dans la tente hantée remplie d'araignées, de monstres sans dents. Participez à la course de tractopelle qui vous décoiffera. Et enfin, allez vous revigorer dans la jungle magique avec ses couleurs féeriques. Puis régalez-vous d'une barbe à papa. Les barbes d'aujourd'hui ne sont pas celles des barbes d'hier. Venez à l'Heroic Land de Calais, vous n'aurez plus jamais envie de partir. Ça donne envie, Alex, vraiment. Et effectivement, à l'espoir après. Avec ce titre, dans 20 minutes, PSG, invité à la fête du titre, Serge Aurier a fait un gros câlin à Sirigu et Ibra. Alors, c'est qui la fiotte? Culture. On a appris le décès, malheureusement, de Claire Franek, auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse. Et c'est notamment elle qui avait dessiné tout sa poêle. Jean-François Copé a présenté ses condoléances par ces mots, à poil le croque-mort. Voilà. Et terminons cette page culture et ce journal. Vous vous souvenez du fameux discours du président de la Confédération suisse sur le rire? Ah bah bien sûr, évidemment. Eh bien, il existe un mix. Ah. Pire de bon cœur avec quelqu'un. Pire de bon cœur, c'est partager des moments de bonheur. Pire de bon cœur avec quelqu'un. Voilà, et merci à un tuito, Gabriel Ruta qui nous suit, qui nous a envoyé le. Parce qu'on serait dommage de passer à côté, on le remercie, hein, chaleureusement. C'est ce qu'on aime bien. Philippe Pujol, vous êtes avec nous, prix Albert Londres 2014, journaliste marseillais. totalement. Premier sujet qu'on va aborder avec vous, tiens, c'est la loi travail, qui doit donc assouplir le code du travail. Mais comme la loi a été adoucie, ben le gouvernement a donc adouci l'assouplissement du code du travail. Voilà. Donc alors, la presse de droite parle de reculade, mais en vrai, tout le monde connaissait déjà l'histoire et comment elle allait se terminer, hein, en vrai. De toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentille à la cantine à midi. Voilà. Bon, messieurs, on va adopter le projet de loi visant à augmenter le salaire des députés. Pour la France, la France. Adopté ? Adopté ! Le Palmacho, qui avait invité Élie Semoun en guest pour ce sketch, excellent sketch à l'Assemblée nationale. Alors Philippe Pujol, voilà donc l'histoire, c'est que il y a un avant-projet de loi travail très très très très corsé, qu'on a pris un peu à l'envers, c'est-à-dire que Manuel Valls a fini par discuter avec les syndicats, mais à la fin du processus, il y a d'abord eu manif. Maintenant, on recule, mais sur des choses dont on avait prévu. Finalement, on reviendrait en arrière. Alors, même si toute la presse titre la reculade à droite, etc., et l'assouplissement à gauche, est-ce que vous, même vu de Marseille, on sent bien qu'on s'est fait en papaouter, comme on dit à Lille? C'est une stratégie de base classique, très vieille. Oui, c'est-à-dire qui consiste en... On envoie un ballon, on voit ce qui est un ballon sonde, et on voit comment ça réagit. Et ça permet, avant la bataille, parce que ça va être une guerre, hein, les élections qui arrivent de l'année prochaine, ça permet de compter les siens, quoi, de regarder qui est dans son camp. Donc on envoie un ballon, le pire du pire, et un retour au 19e siècle, qu'on fait semblant de défendre... Et après, on regarde qui réagit, qui est dans son propre camp, et on recule. C'est pas forcément une défaite de. Oui, beaucoup de la presse ce matin titre la reculade, le moonwalk, pour être un peu original, de Manuel Valls. Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il regarde qui est dans son camp maintenant. Il regarde qui sont les siens. Il a des syndicats qui se sont positionnés, d'autres qui sont totalement d'opposition. S'il veut aller chercher un peu à droite, il a récupéré les syndicats qu'on dit réformateurs. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, j'adore. C'est ceux qui veulent revenir en arrière. On les appelle les réformateurs. Oui, c'est ça. C'est en tournant rond. Inversé, hein, vous savez, c'est vraiment le hamster dans la roue, quoi. C'est la révolution. C'est la révolution. C'est mai 68 à l'envers. C'est mai 69. Ouais. Alors l'année où votre travail, Philippe Pujol, est couronné par le prix Albert Londres, en 2014, vous subissez, vous, un licenciement économique. Ouais. La Marseillaise a déposé le bilan. Ça vous donne une vision un petit peu plus particulière de la loi travail et de cet enjeu? Ils n'ont pas de soucis pour licencier quand c'est nécessaire. Moi, je n'ai aucune rancœur, hein, sur la Marseillaise qui m'a licencié. Elle s'est dit à juste titre que j'aurais une carrière qui allait perdurer derrière. Et comme il fallait licencier des gens et qu'ils pensaient que je n'avais plus forcément ma place dans le journal pour plein de raisons, notamment peut-être même des raisons économiques, tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un grand reporter. Et ils m'ont licencié. Mais franchement, ceux qui sont plus à plaindre, c'est ceux qui ont été licenciés derrière moi, qui eux sont pas du tout dans la même situation que moi, qui sortent pas de livres et qui ont pas un petit nom, quoi, qui ont pas un prix tout simplement. Et là, en effet, la crise de la presse, toutes les crises se mélangent et la Marseillaise a subi ça. C'est pas inquiétant quand même pour le journalisme de se dire que vous êtes le Ronaldo de l'équipe, vous et êtes le prix Albert Londres, et c'est vous qu'on vire. Le seul localier, hein, sur les 76, je crois, je me trompe peut-être. Hein, moi, ça fait de moi, j'étais un joueur de D2 qui a eu le ballon d'or. Mais c'est vrai, mais c'est important de le dire. C'est le seul. Et donc l'équipe s'est dit non, il peut plus jouer chez nous. Mais c'est exactement ça. En D2, il y a le ballon d'or, tu peux pas le garder. C'est vrai, imaginons que ça arrive, c'est pas possible. Ça n'arrive jamais. Non. Ça m'est arrivé dans le journaliste, ça m'est arrivé. Je suis le seul localier, en effet, à avoir une carte. Et ce lien entre. Et Prix Varenne aussi. Ça, le Prix Varenne, c'est pour les localiers. Ouais, donc à la rigueur, j'avais eu mon César, on va dire. Ouais, voilà. Mais là, l'Oscar en plus. Là, l'Oscar, c'était pas prévu. Et le lien entre le journalisme, le ballon, Marseille, etc. Marseille, vous mettez tout ça dans un shaker et vous confiez à Samir Bouadi, bien sûr. Voilà, parce que les moins jeunes s'en souviennent. Il fut un temps où Marseille, votre belle ville, battait les grandes équipes d'Europe. On s'en souvient, une finale de Ligue des Champions le 26 mai 93 à Munich et la tête de Basile Boli qui donne une victoire à l'OM. Hein, belle époque et pas n'importe laquelle cette victoire, parce que c'est juste la première fois qu'une équipe française gagne cette compétition à la Ligue des Champions. Du coup, un slogan à l'époque, à jamais les premiers. Eh oui, à jamais les premiers. Ah, Bernard Tapie, à jamais le premier dans le cœur des Marseillais, mes copains. La même année, l'homme est rattrapé, l'affaire OM. deuxième vela, patatrac, c'est fini. Voilà, bah, le goût de la victoire à tout prix, hein, quels que soient les montants, hein, le sens des affaires. Entre-temps, l'homme, Bernard Tapie, se sera promené la tête haute, hein, sur le vieux port, vous devez vous en souvenir, hein, les mains dans les poches, saluant le chaland, ripostant du pagnol, comme on cite Cyrano. Ah, Bernard! Le panache toujours et cette jubilation à baffer les puissants et à haranguer les gueux pour leur vendre des maillots de l'OM, mes amis. Marseille, à cette époque, bah oui, bah c'est qui? Bah c'est Chris Waddle. Chris Waddle, on s'en souvient. Bah oui, coupe de cheveux, court devant, oui. Long derrière. Joueur qui, en chaloupant, chavire les autres, préfigure un peu Zidane, hein. Et Marseille, mais c'est pas que Waddle, c'est aussi Papin. Patator, hein, qui défonce les filets en bon pêcheur de but. Eh oui. Bref, Marseille, mes amis, c'est l'OM. Et l'OM, eh ben, c'est quoi l'OM, mes amis? Eh ben, c'est Tapie. Nanar. L'anti Jean-Marie Le Pen. Sauf pour la fortune, quoi. Tapie ou le réalisme lyrique, la conviction populeuse et le ballon comme religion. L'opium fait son effet et les volutes, hein, chers amis, montent jusque dans les quartiers nord où les gamins avachis devant Pacino, Scarface, se rêvent en grand caïd du genre Tapie qui défie quiconque voudra lui contester la place de maître du monde. Et le message est clair à cette époque, il est très clair. Pour gagner, bah, faut savoir jouer avec le règlement. Leçon retenue, hein, les réprouvés s'y retrouvent, on est d'accord, les années 90 s'achèvent sur ce constat. Le joueur de foot devient alors un guerrier, hein, il a le sang chaud et son attitude sur le terrain n'est plus celle d'un gamin échevelé qui se jette dans les bras de ses coéquipiers après le but. Non, plus de Tarlouse, c'est fini Tarlouse. Non, maintenant il s'agit de viriliser tout ça, mes copains. Bah oui, ceux des quartiers nord qui deviennent pros ont le génie du dribble florentin, hein, pour ne pas dire napolitain, référence à qui vous savez. Et le coup de boule en finale. Ah ben non, qui ça? Un petit Maradona. Ah, pas d'accord. Un petit bruit comme ça, voilà. Et finale pour nous rappeler. Et puis ce coup de boule en finale pour nous rappeler qu'on n'est pas des bouffons, quoi. Comment tu parles à ma sœur? Bref, on a dansé, mes amis, on a dansé le Mia. Et la parole a dérapé, comme partout ailleurs en France. D'ailleurs, Marseille, dans votre livre, Philippe Pujol, c'est un peu la plus française des villes de France. Hein. Elle en a toutes les maladies, tout y est. Alors je vous cite, hein, presque au hasard, de la lecture, comme ça, pêle-mêle. Vous, la solidarité se nourrit d'une multitude d'intérêts personnels. Plus loin, le mythe est le carburant de l'ambition et l'ambition le moteur de toute délinquance. Avant, à grandir parmi les rats, on se fait des compagnons. Eh oui, votre livre, véritable fenêtre sur des cours intérieures insalubres, celle des âmes salies, est aussi la radiographie d'une tumeur de l'ambition, d'un cancer des envies, d'une boursouflure des tissus sociaux. Votre livre est une prise de sang effectuée sur un organisme, notre système, en phase terminale de boursouflure. Le requin souffre d'une sacrée gingivite, mes amis. Hein. Une jeunesse qui a le choix entre le deal, le rap, le foot ou la religion dans sa pratique extrême est une jeunesse exsangue. Hein. On repassera plus tard pour la prise de sang, quand il sera trop tard. Vous me direz, il reste le scoutisme. Mais bon, bref. Pour revenir à vous, Marseille, bah, c'est pas que le foot, c'est aussi le journalisme. Vous allez même jusqu'à pousser la conscience professionnelle, jusqu'à nous expliquer ce que signifie le mot sgeg, page 96. Franchement, vous nous prenez pour qui pour des cons, quoi. Bref. Pour des sgeg. Bah, pour des sgeg. Bon, bref, j'en termine. Et puis juste un petit truc, hein, vous avez déjà reçu le prix Albert Londres, on ne cesse que d'en parler. Je propose maintenant qu'on, bah, tout simplement qu'on donne un prix à votre nom. Ah, bon, hey, ah ouais. Ouais, le prix Pujol. Bah ouais, le prix Pujol. Mais très bien, allez, c'est vendu. Sur France Inter, c'est gravé. Il est 17h35 à Paris et à Marseille. Et du côté de l'Auvergne, je sais pas, Jean-Louis Murat, je pense qu'il s'y plaît, non? Viens là-bas. Vite, tu penses une chose, tu penses son contraire. Tu passes ton temps à faire encore plus à défaire. Tu sens comme tout de toi ne prend plus la lumière. Tu sens comme tout de toi glisse sans fin vers la rivière dans le lit. D'ici, dans la vie. D'ici, tu rumines au sextant, tu te crois indigène. Mais tout est éboulé, fil chanté dans la plaine. Tous sont encore esclaves, tout est vain et cruel. Autant que tout t'emporte, rien ne tient le contre-courant dans la vie. D'ici, dans la vie. Encore moins tricéphale sous les caresses bleues. Tu cherches vent à dos au cours des promenades. Tu vois la langue douce briser ce qui est beau. Je crois qu'il ne nous reste que la peau sur les os dans la vie. D'ici, dans la vie. D'ici, le cœur et le cerveau, petit talus de Lorraine. Corolle de lumière, giroflée des moraines. Ventricule du cœur qui crache dans l'artère. Ma petite marmotte ne va pas t'engourdir tout l'hiver dans la vie. D'ici, dans la vie. French Lynx de Jean-Louis Murat, vous êtes sur France Inter, c'est Philippe Pujol qui a tout annulé pour nous, Prix Albert Londres et La Fabrique du Monstre, son ouvrage paru aux éditions Les Arènes, 10 ans d'immersion comme journaliste localier à Marseille. Et aujourd'hui, vous collaborez notamment à 7.info, nos confrères suisses. Exact. Site internet de reportage au long cours, c'est un peu 21, mais version en ligne, où on peut s'abonner. Alors, par exemple, vous pouvez trouver en ce moment les sans-papiers de la République dominicaine, avec des Haïtiens sont partis à la rencontre de compatriotes émigrés de leurs descendants nés en République dominicaine. Il y a les journalistes italiens sous le feu de la mafia ou le joyeux tourisme de la désolation autour du génocide rwandais, l'assassinat de JFK. Et même on en parlera tout à l'heure à Marseille. Le tourisme de la désolation, ça existe à Marseille en ce moment. Guillaume Meurice, oui, vous, c'est le contraire du journalisme de désolation, on peut le dire. Ah bon? Ah bah oui. Ah, j'étais pas au courant. Voici. Non, mais je vais vous parler aujourd'hui de civilisation humaine qui me fascine tous les jours. La civilisation, donc, c'est ce qui fait que, par exemple, nous, humains, nous sommes en capacité de sublimer nos besoins primaires. Par exemple, du besoin de se nourrir, on a inventé la gastronomie. Alors, des fois, ça rate, hein, bien sûr, mais on n'est pas là pour parler de la cantine de Radio France. Pour le besoin de se vêtir, par exemple, on a inventé la mode. Okay, bon, alors, des fois, ça rate, hein, mais on n'est pas là pour parler d'Alex Vizorek. Et de la pulsion de reproduction, on a créé l'érotisme. Hein. Bon, alors, des fois, ça rate, hein, mais on n'est pas là pour parler de ma vie personnelle. Mais moi, je suis là pour vous parler d'érotisme, quand même, puisqu'un salon y était consacré. Il avait lieu au Bourget, hein, c'est là où François Hollande a bien baisé tout le monde en 2012. Donc, le lieu était approprié. Et j'y ai découvert donc le stade, je dirais, d'évolution ultime de la civilisation en matière d'érotisme. Hein, on commence tout de suite avec un premier produit. Des petites oreilles de chat éclipsées dans les cheveux. C'est pas un grand produit. Attendez, des oreilles de chat qu'on met dans les cheveux? Ouais. Mais ça, c'est érotique, ça, des oreilles de chat dans les cheveux? Ça peut l'être. Ah ouais? Ça vibre pas, je vous l'accorde. C'est pour les zoophiles, ça, non? Non. Non, alors c'est pas zoophile, mais c'est étonnant, c'est fantaisie. On n'est pas là pour juger moralement, hein, je vous rappelle. On est là vraiment pour observer l'évolution de la société en matière d'érotisme. Et on continue notre exploration avec d'autres produits un tout petit peu moins fantaisie. Là, en ce moment, ce qui marche bien, c'est le G-Vibe. Là, cette année, en nouveauté, il y a le Womanizer. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Womanizer, c'est un aspirateur à clito. Ah, carrément, ouais. Donc, c'est... Mais c'est pas dangereux, ça? Pas du tout. Voilà, faites gaffe quand même, hein, je conseille de faire attention si vous faites le ménage chez vous. Hein. Bah, sauf si vous voulez faire le ménage sur votre clitoris. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre clitoris, pardon. Voilà, alors là, je dirais qu'on est pas mal hein, en termes d'évolution de la civilisation, mais on a de la marge. Hein. On sent qu'on peut bien sûr encore évoluer. Alors allons-y, qu'est-ce qu'il vend ce brave commerçant? Des sex machines, expliquez-moi ça. Alors, c'est une machine qui envoie à peu près 300 coups minutes à plein régime. Donc on accroche madame sur la machine et après il faut qu'elle tienne le plus longtemps possible. Voilà. 300 coups minutes? 300 coups minutes, oui, voilà. Ouais. Et elle tient longtemps avec ça ou pas? J'ai jamais essayé, à vrai dire. Je peux pas vous dire, j'ai jamais vu personne monter dessus. Donc, mais effectivement, je pense que ça doit être un grand moment. Oui, je pense un grand moment. Mais assez court hein, pour la fameuse madame en question qui, à mon avis, décède dès la première minute. Hein, parce que 300 coups minutes, on est dans le 5 coups à la seconde. Hein, c'est quand même beaucoup. C'est à tester. Hein, chacun fait ce qu'il veut, on ne juge pas, je vous rappelle. À tester aussi une autre évolution révolution, un sextoy connecté à utiliser comment ? Il y a une synchronisation du sextoy à faire sur le téléphone. Et suite à ça, vous le pilotez par le Bluetooth. Voilà. Et on peut même passer des coups de fil en même temps, du coup. Ah bah, du coup, vous pouvez tout faire avec. Hein. Vous pouvez laisser madame aller parler à des potes et revenir. Voilà, une bien belle évolution de la civilisation. Ah, je vous ai pas menti. Vous pouvez donc faire l'amour avec une fille tout en discutant avec vos potes, hein, voire même aller faire des courses, la vidange de votre bagnole, ou même faire une chronique sur France Inter. Hein. N'hésitez pas à envoyer vos numéros à Samir Boisdi. Et donc ça s'appelle, je vous rappelle, le progrès. Hein. Et on n'arrête pas le progrès comme ça. On voudrait l'arrêter, qu'on pourrait pas. Alors laissons aller le progrès avec un autre produit. Le Twerking Bud, donc qui est un... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est un fessier qui, en fin de compte, on met un casque de réalité virtuelle, on met son téléphone dedans, le film sera projeté, vous allez regarder le film, et le fessier va réagir exactement comme la fille dans le film. Voilà, un cul en plastoc qui bouge tout seul, vous n'en aviez jamais rêvé. Eh ben, ils l'ont fait quand même. Merci donc au Twerking Butt. Hein. Mais comment on faisait avant ? C'est ça qu'on se demande quand même. C'est ça aussi, la fierté d'être un humain. Et la fierté d'être un humain en termes d'érotisme, c'est aussi la fierté de pouvoir inventer des faux êtres humains. Par exemple, une poupée qui coûte 3000 euros. Comment elle est, la poupée ? Elle est magnifique, elle est fabriquée aux États-Unis. Et c'est une poupée qui a l'avantage d'être articulée, d'être silicone, tout en silicone, d'être chauffante. Mais alors attendez, elle chauffe en plus, c'est ça ? Oui, celle-là, non seulement elle chauffe, mais elle est chauffante. Elle chauffe son partenaire et elle est chauffante. Elle a jamais mal à la tête, elle ne dit jamais non. Ah bah, à 3000 euros, manquerait plus qu'il faille l'inviter au resto. Bon, après, vous pouvez toujours lui offrir des fleurs à la poupée, hein, des fleurs en plastique, hein, bien évidemment. Terminons avec un site de crowdfunding qui propose quoi ? Ce sont des filles qui veulent payer leurs études, elles n'arrivent pas financièrement. Et donc, elles mettent du contenu érotique que les gens peuvent acheter et ainsi participer à leur campagne. Faire, par exemple, une sextape ou un set de vidéos sexy, vendre sa culotte, ses chaussures, peu importe. Voilà un site qui propose de vendre sa culotte pour payer ses études. Écoutez, je voulais finir là-dessus parce que je crois que ça résume assez bien l'état de notre civilisation. Merci Guillaume Meurice. Hein, je vous en prie, à votre service. Je vous décerne le prix Albert Con 2016. Parce que là, bon, voilà. Merci. On a touché le fond, si j'ose dire. Mais après, ça va être mal interprété. Non, je vois vraiment pas pourquoi. Vraiment. Philippe Pujol, restez avec nous, je vous en prie. Parce qu'il reste vous, moi et quelques auditeurs, j'espère. Sur France Inter, on va aborder le deuxième sujet avec vous avant la chronique très attendue de Thomas VDB. Eh bien, un livre nous annonce la fin de l'intellectuel français. Une question qui nous taraude parce que tous ceux qu'on entend nous donner des leçons dans les médias suscitent la défiance. Deux exemples au hasard. Tout le monde sait que Proust était homosexuel, que Gilles était homosexuel, que Rimbaud était homosexuel et que Verlaine était homosexuel, que Oscar Wilde était homosexuel et que Léonard de Vinci l'était peut-être et que en tout cas Michel-Ange l'était. Face à l'idéologie d'un homme des Lumières, il ne s'agissait pas de mon livre. Et comme ça, c'est réglé. Ouais, voilà, un montage qui en dit long. Zemmour interrompu par Finkielkraut. Alors, c'est un livre de Shlomo Sand, historien israélien, qui s'appelle « La fin de l'intellectuel français ». Comment est-on en gros arrivé de Zola à Houellebecq ? Édition La Découverte. Des articles fleurissent dans la presse à propos de son ouvrage, dans l'Express par exemple, ou dans Le Monde. Le livre n'est pas exempt de critique, mais il pose une bonne question. La fin de l'intellectuel français. Les intellectuels qu'on voit partout, qui finissent par peut-être plus nous dire ce qu'il faut penser plutôt que de nous mettre sur la voie de la réflexion pour qu'on pense par nous-mêmes. C'est une défiance que vous sentez aussi, et est-ce qu'elle n'est pas encore accrue quand on est du côté de Marseille et que tout se fait à Paris ? Alors le hasard a fait que j'ai écrit pour 7 dont on parlait tout à l'heure un article. Sept point info, le site le titre c'est La Révolution conservatrice française, et c'est une enquête sur les intellectuels français. Ce que je pouvais constater, c'est qu'en fait, c'est à partir de Mitterrand que cette révolution conservatrice s'est mise en place, parce que on s'est mis à nier le clivage gauche-droite par la social-démocratie. Donc les premiers, c'est Ferry, c'est Rosan Vallon, et la droite, donc dont seront issus Guéant par exemple, vont prendre la suite de cette théorie-là, et on va arriver jusqu'à maintenant un clivage qui va être eux contre nous. Ça donne, c'est-à-dire les nantis contre la France d'en bas. Mais on a réussi à faire rentrer chez les nantis des gens des quartiers, qui soi-disant des quartiers populaires, qui soi-disant bénéficient des aides sociales. On a fait rentrer les homosexuels chez les nantis, tout simplement parce qu'ils ont la culture et donc le piston, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et tout ça en opposition à cette France d'en bas dont Sarkozy avait longtemps parlé, qui donne beaucoup de monde, en fait, un amas de personnes. Donc, c'est un glissement progressif. Mais moi, j'ai l'impression que les Zemmour, les Finkielkraut et compagnie, ils font pas l'air du temps, pas du tout. Ils surfent sur l'air du temps pour vendre des bouquins, pour devenir chroniqueurs, pour faire du pognon. C'est ce qu'il dit dans le bouquin. Il dit que les Sartre, les Foucault, ils avaient une œuvre et leur œuvre les emmenait dans les médias. Et ici, c'est plutôt l'inverse. Ici, ces gens parlent dans les médias et après, ils vendent leurs bouquins derrière. Ouais. Et en fait, ils essayent de savoir quel est l'air du temps. Qu'est-ce qui prend à ce moment-là? Donc là, l'air du temps, il suffit d'aller dans n'importe quel bar, on va la sentir, quoi. Et donc à Marseille aussi. Il faut pas mieux que Jean-Pierre Pernaut qui regarde la courbe d'audience pour se dire, tiens, le saboté du Gers, il fait une bonne audience, donc demain, je vous en remets un petit peu plus. C'est tout simple. Voilà, c'est ce qu'ils font. C'est l'info-spectacle, quoi. Donc, ils surfent sur ça, ils utilisent ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'intellectuels en France. C'est ça. Il y en a énormément. C'est la photomédia qui préfère avoir ces bons clients-là. Je sais pas, on peut pas non plus dire, c'est la photomédia, ça suffit pas. Je vous pose la question, c'est aussi les intellectuels. Les intellectuels qui ont du mal à cristalliser les pensées comme ça, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, et surtout les intellectuels de gauche, ils ont vraiment une grosse difficulté à faire rentrer les problématiques de migrants, de chômage de masse, dans quelque chose qui est intelligible. Alors que la droite... C'est plus long à expliquer, ces structures. C'est beaucoup aussi. Plus long, la complexité est longue à expliquer, les gens n'acceptent plus la complexité, on est une génération Facebook, on est une génération tout va vite, donc la complexité n'est pas celle qui fonctionne en ce moment. Et faudrait trouver, et moi je crois beaucoup au narratif pour ça, faudrait trouver de manière à amener la complexité, de manière à ce que y compris même les plus jeunes l'acceptent. Moi, à mon avis, c'est faisable, mais ça demande beaucoup de travail. Et bien, un exemple de narration très très bien faite, je vous le donne mille, c'est Thomas BDB, je vais vous dire. Comme on y va. Dans les Hauts-de-France, c'était les corons. Ils ont changé le nom de la région. D'ailleurs, cette rubrique ne s'appelle plus l'actualité. J'ai décidé de la rebaptiser Monique. Merci. Voilà, puisque ça y est, on le sait, c'est officiel, le Nord-Pas-de-Calais n'existe plus. On aurait pu d'ailleurs l'appeler le Nord-Plus-de-Calais, ou même peut-être le Pas-de-Nord-Pas-de-Calais non plus. Mais non, voilà, on l'a appris hier, ce sont les Hauts-de-France. Et c'est pareil, moi je suis né en Picardie, et ben c'est pareil, je peux plus dire ça, parce que c'est l'ancien mot, et forcément les nouvelles générations ne me comprendront plus. C'est un peu comme si aujourd'hui un gars me donnait son adresse avec son code postal en disant, voilà, le code c'est 75004. Lutèce. Voilà, évidemment, ça marche pas. Picardie, c'est comme Lutèce, ça fait partie des mots d'avant maintenant. Et donc, ce changement de nom, eh bien, c'est un projet qui a été porté à bout de bras par Xavier Bertrand, qui a décidé de faire table rase du passé. Chapeau Xavier. D'ailleurs, il y a des images sur Internet de la Réunion où ils ont changé le nom de la région hier. Et à la fin, ils ont dit, allez, c'est plus le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Maintenant, on dit, c'est les Hauts-de-France. Et ils se lèvent et ils applaudissent. Et on sent bien que Xavier Bertrand a célébré ça comme une sorte de victoire. Alors, c'est vrai qu'à la base, Xavier Bertrand, le sentiment de victoire, c'est pas un truc qu'il ressent très souvent dans sa vie. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'inventer des techniques pour avoir le sentiment du devoir accompli. Il change le nom. Il change le nom, tout simplement. Comme ça, après, il est fier, il dit yes, j'ai bien bossé, j'ai bien taffé, boulot. Et d'ailleurs, eh bien, hier, Xavier Bertrand, en applaudissant le truc qu'il venait de faire, qui servait donc strictement à rien, ça a dû lui rappeler forcément un autre truc qu'il a fait l'année dernière et qui servait strictement à rien non plus, puisque l'année dernière, on rappelle qu'il était à l'UMP, et à l'UMP, à un moment, dans une réunion, ils ont dit, attends, maintenant, on n'est plus que dans les UMP. On dit, on est les Républicains, allez, rien à voir, allez, on a bien bossé, voilà, bien bossé, voilà, bravo. Et voilà, et c'est pareil, et je me dis quand même, je me mets à la place de Xavier Bertrand, le soir quand il se couche, il doit se dire, c'est quand même pas mal de trucs inutiles que je fais dans ma vie, j'espère que ça n'a pas commencé à se voir, est-ce que je suis pas complètement en train de passer à côté de ma carrière politique? Je sens qu'à un moment, mon engagement a dévié, mais je n'arrive pas à savoir quand. Et en même temps, eh bien, c'est une belle leçon que nous donne Xavier Bertrand, cette leçon que même quand on fait des trucs totalement inutile, un peu de fierté, c'est toujours bon à prendre quand même. Hein, c'est bon pour l'ego. Hein, et d'ailleurs, quand on voit la pagaille que c'est dans le monde aujourd'hui, grâce à la méthode Xavier Bertrand, eh ben, il y a moyen que les choses aillent beaucoup mieux. Hier, il y a eu 52 morts dans les attentats en Côte d'Ivoire et en Turquie. Ouais, mais non! Parce que 52, ça se dit plus, non? Maintenant, on dit 11. On dit 11, c'est vrai! C'est comme, on n'a plus le droit de dire 52, maintenant on dit 11. C'est la nouvelle manière. Et je trouve que c'est une bonne façon de lutter contre le terrorisme, de changer les chiffres, tout simplement. Alors, j'ai quand même un conseil avant de terminer à donner à Xavier Bertrand. S'il a peur peut-être que commence à se voir, que ça commence à se voir, qu'il fasse vraiment des choses inutiles, je propose qu'il recommence depuis le début, de faire de nouveau table rase du passé, de dire non, je ne m'appelle plus Xavier Bertrand, je m'appelle désormais Bertrand Xavier, et je peux vous dire que ça va y aller, ça va rebondir au niveau du boulot. Alors, en tout cas, autre conseil peut-être à donner comme ça à Xavier Bertrand, si avoir l'impression de faire des choses moins inutiles, c'est tout simplement de réduire ses ambitions et de viser beaucoup plus bas. Et là, à tous les coups, il t'apprend dans le mille. Merci à tous. Merci Thomas VDB. On peut appeler le chômage courgette. Et bim, il n'y a plus de chômage. Tout à fait, c'est bien tellement sûr, facile et personne n'y a pensé. Heureusement qu'on est là pour vous apporter des solutions. C'est notre mission de service public, bien sûr. En compagnie de Philippe Pujol, journaliste qui publie La Fabrique du Monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre d'Europe, paru aux éditions Les Arènes. Et avec vous, on va parler d'un sujet connexe. Vous l'évoquez un peu dans le livre, d'ailleurs. Tiens, à l'occasion de la semaine de la langue française, nous on s'est dit penchons-nous sur le langage des voyous. En tout cas, sur leur surnom, il s'appelait Francis le Belge ou Jojo la Mandoline. Aujourd'hui, certains s'appellent Macouille ou Babouin. voilà. Et la poésie, bordel de Dieu, ça tout fout le camp, quoi. Voici donc Francis l'agneau, dit petit marquis, dit chérubin, dit talon rouge, dit falbala, dit belle manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Requiem, dit bazooka, dit la praline, dit belle châtaigne. C'est curieux comme les gens sont méchants. Les Barbouzes, évidemment, film de Lautner, dialogue d'Audiard. Les caïds ont des blases, des surnoms. Vous l'expliquez un peu dans l'ouvrage. D'ailleurs, à Marseille, c'est important ça pour les caïds, les dealers. Voilà, ils se donnent des noms. Il existe des surnoms et un langage de voyous. Le langage de voyous, ça a une utilité en fait, c'est que c'est une épée de Damoclès. Ils ont le langage à la Audiard, même les plus crétins. Ils ont ce langage-là parce que en une phrase, il faut mettre un couteau sous la gorge de son interlocuteur. Donc il y a de la joute verbale, c'est primordial de tout de suite mettre les couilles sur la table là. Donc il faut envoyer des phrases. Alors les voyous marseillais des quartiers sont assez vulgaires, mais quand même c'est souvent très imagé, et des voyous un petit peu plus de la haute vont essayer d'imiter du Audiard. D'ailleurs ils sont dans ce langage là et d'ailleurs leur surnom souvent correspondent à leur niveau d'intégration dans le monde des voyous. Et donc, il y a en effet du Tony Languille qui s'appelle Antoine Cossu parce qu'il a toujours échappé aux flics. Et à côté de ça, moi, je connaissais un type qui s'appelait Escalope parce qu'il avait, il s'était fait brûler le ventre et il était mort de rire, de montrer ça ressemblait à une escalope. Celui qui s'appelait Babouin, ouais, je l'ai connu parce qu'il est mort, le pauvre. C'était un type qui marchait comme un singe un petit peu et qui était très, très, très agressif. Comme ils avaient vu un reportage sur les babouins, donc c'était ça. C'est assez primaire, hein, souvent, hein, les surnoms. Et après, il y a des types qui ont plein de surnoms, qui en ont plusieurs, qui sont à différents usages. Ça, c'est pour brouiller les pistes? Non, ça, ils y pensent même pas, ça. C'est pour brouiller les pistes, il faut pas parler dans les portables, et il faut faire simple. Mais c'est pas du tout pour brouiller les pistes, c'est pour, un surnom te donne de suite une carte d'identité, soit une prestance, soit de l'agressivité. Il y avait, par exemple, Farid Berama, il avait plusieurs surnoms. Il y en avait un qui avait été donné par les flics, qui s'appelait le rôtisseur, parce qu'on le soupçonnait d'avoir tué. Racontez ça, le rôtisseur. Voilà, on le soupçonnait d'avoir, parce que ça n'a jamais été prouvé, hein, mais en tout cas, on l'accuse d'avoir tué beaucoup de monde, une balle dans la tête, dans la voiture, on mettait le feu. Le modus operandi. Que ce soit, voilà, ça c'est le mode opératoire, et donc le surnom, le rôtisseur. Que ce soit vrai ou pas vrai, de toute façon, son surnom était bien le rôtisseur. Il avait d'autres surnoms, comme Gremlins, parce qu'il piquait des colères incroyables, comme dans les Gremlins, quoi. Mais il faut se mettre à jour, alors, parce que si rôtisseur devient Gremlins, il faut savoir que c'est le même. Mais en plus, c'est un mec généreux, parce qu'il aurait pu avoir un autre surnom, compte tenu du fait qu'il ait donné de l'argent à une famille. De temps en temps, souvent les voyous font ça aussi. Vous voulez donner aussi les surnoms, quitte main libre? Moi, je donne les surnoms parce que je n'ai pas leur nom. Il y en a un que j'appelle Octave parce qu'il a les dents comme un piano. Ah oui, oui, oui. Et comme un clavier de piano tout neuf. Je ne sais pas son vrai nom. Et donc, je lui donne quitte main libre. Je ne veux pas trop dire pourquoi. Mais dans la vie, je donne des surnoms très facilement à beaucoup de monde. Voilà, vous pouvez trouver tout ça. Qui, alors Ah, je sais pas encore. Ben Affleck. Vous pouvez toujours retrouver tout cela évidemment dans le livre, y compris tout le système politique qui est très bien expliqué dans La Fabrique du Monstre. Et les élus ont beaucoup de surnoms aussi. Godin, c'est le vieux. Menucci, c'est le gros. C'est, ça marche comme ça. Ils se donnent des surnoms les uns les autres. C'est pas si bien dire. Et si on écrivait Brushing. Une page de plus. Et si on écrivait une page de plus à votre roman. À la fin de l'émission, il y a un sketch qu'on propose à l'invité et on vous a proposé le rôle de Jean-Claude Godin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je vais vous faire ça. Je sens qu'il va être très bon. C'est parti, Jean-Claude Godin qui a l'idée de mettre des riches dans les quartiers pauvre de Marseille, à l'inverse du 16e arrondissement, parce qu'il se dit ça va déstabiliser un peu ce qui se passe là-bas. En avant. Bon alors, on y est bientôt. Un peu de calme, madame. On arrive dans les quartiers nord. Nord? Ah bon, mais le nord fait parfois moins 30, moins 40, non? Mais non, les quartiers nord de Marseille. Oh, allez, je suis impatient de voir mon hôtel particulier. Ah ça, pour être particulier, il est particulier l'hôtel, alors plus cher. Ah bah non, si c'est peu cher, ça ne m'intéresse pas, monsieur. Écoutez-moi, espèce de coucourde. Coucourde, oh comme c'est joli, moi j'adore votre langage. Alors voici l'adresse d'un petit cabanon. Je vous laisse ici, moi je vais un peu plus loin. Un petit cabanon. Putain, il y a de la baronne dans les parages, là. Hein. Ah, vous tombiez bien, vous. Ah, vous n'avez pas toujours pensé ça, monsieur le maire, hein. Madame la Parisienne, je vous présente un autochtone. Oh oui, un indigène. Elle est pas mal la cagole là. Ah oui, oh cagole, mais c'est fleuri comme langage. Méfiez-vous, pomponnette. Ce monsieur fait le cas. Oh, mais c'est génial, j'adore les sketchs, j'ai les cacous, j'adore. Attends, elle est vraiment fada. Ah. Vous voyez, madame, mon plan de vengeance fonctionne. Vous énervez déjà le minot. Mais ce petit cabanon, comme vous dites, c'est bien chauffé? Putain, vous êtes à Marseille, on a le soleil. Ouais, putain, et en plus, dans le coin, on est des chauds. Bon, le chauffage, c'est réglé. Est-ce que le petit personnel est fourni? Du petit personnel? Bah, c'est comme du personnel, mais qu'on paie pas cher. Oh, oh, oh, la Parisienne, tu me prends pour Zlatan ou quoi, là? Oh. Zlatan, c'est un prénom de migrant, ça, non? C'est un genre de migrant, oui, c'est ça. Ouais. Un migrant comme celui-là, je le prends directement et je l'enferme à la commanderie. Oh oui, c'est bien, enfermez les migrants! Enfermez-les, oui, dans le 16e, on n'en veut plus. Ouh là là. Mais ils ne sont pas encore là. Bah, vous voyez comme c'est grave, ils sont pas encore là, et on n'en peut déjà plus, alors... Bon, pour le repas, chaque soir... Il y aura une distribution de soupe au pisto. Oh, mais quelle horreur! Mais il faut du petit personnel, absolument. Ah, attends, si tu veux, je te le fais, moi, le petit personnel. Hein. Oh, comme il est mignon! Je vous embauche, jeune homme! Oh, putain, j'ai un travail, les gars! Putain, on m'en avait jamais donné, le gros godet, là. Il m'a jamais donné de travail. Ah, mais non, ce n'est pas le plan qui était prévu. Ah bon? Qu'est-ce que. Oui, il faut que votre présence suscite l'hostilité du quartier. Oh, bah, vous voyez que ça marche pas. Eh, madame, les pauvres sont quand même plus accueillants que les riches. Merci, c'était Philippe Pujol, prix Albert Londres dans le rôle de Monsieur Godin. Vous êtes bien l'accent français, il y a des dents. La Fabrique du Godin, Monstre. Godin, il a l'accent provençal, pas marseillais. Hey, attention, il rajoute attention. Des E, il dit Godin. Il dit Pujol. Le tramvoué et la Kalachnikov. La Fabrique du Monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre d'Europe. On vous recommande chaudement, édition Les Arènes. Merci beaucoup Philippe Pujol, merci à toute l'équipe. Le mot de la fin, c'est un appel pour renouveler la classe intellectuelle qui intervient dans les médias notamment. Je veux bien jouer les intellos une heure ou deux, mais sur la durée, il y a un moment, le veau va reprendre le dessus.